la caresse de tes vieux doigts sur les touches blanches et noires. C'était magique, cette musique, ce rondeau de Schubert. Assis sous le piano, les yeux fermés, j'attendais la lumière. Tu es parti un peu trop tôt, rejoindre les étoiles. Ce ciel auquel tu croyais si fort a refermé ses toiles. Mais laissant vivre cette musique, ce rondeau de Schubert, près du piano muet, les yeux fermés, j'attends cette lumière. La caresse de tes vieux doigts sur les touches blanches et noires.